même ces génétiques me jouent que nous sommes nous deux. Quand on marche en route, tu me dis que nous sommes nous deux. Comme à la rue, tu me joues que nous sommes nous deux. Quand on est au lit, tu me joues que nous sommes nous deux. Comme dans le lit, tu me parles que nous sommes nous deux. Allons au cinéma, tu me joues que nous sommes nous deux. Quand on est au mat, tu me dis que nous sommes nous deux. La tombée de la nuit, tu me parles que nous sommes nous deux. Allons en boîte de nuit, tu me dis que nous sommes nous deux. Pendant le mois d'août, tu me dis que nous sommes nous deux. Sans avoir de nuit, tu me dis que nous sommes nous deux. Quand on marche ensemble, tu me parles que nous sommes nous deux. Avec les mêmes enfants, we'll be right back.